Je suis vraiment content de lui parler. J'ai Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado qui a été confirmé hier de chez l'Avalanche du Colorado comme il est à son 9e match. On le rejoint à quelque part dans l'avion à Détroit. Salut Samuel. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Samuel, félicitations. D'abord, on ne s'est pas parlé depuis Nashville. Félicitations, vraiment, là. Je sais pas si tu as dû avoir vu les médias sociaux, mais je pense que c'est pas rien que Robert Val, là. C'est rendu tout le Québec qui est vraiment fier de toi, là. Puis bravo, bravo, bravo, franchement. Est-ce que, honnêtement, là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais avec les Prédateurs, tu savais pas trop si tu allais faire l'équipe. Le premier match, troisième étoile. Deuxième match, première étoile. Par la suite, je sais pas pourquoi, mais tu as été retiré. Quelle raison tu avais été retiré? Qu'est-ce qu'on t'avait dit à l'époque? Mon Dieu, je te dirais que moi, ils m'avaient rencontré au début de l'année dans la ville en me disant que je n'allais pas jouer tous les matchs. Ouais. J'allais jouer un match de temps en temps. C'est sûr qu'aussi, au début de l'année, c'est Roman Cody aussi qui était blessé. Fait que j'avais comme un petit peu pris sa place aussi. Fait que j'ai joué du power play les deux premiers matchs. Ça allait bien été. Et après ça, son retour au jeu, c'est venu un petit peu aussi. Là. Et après ça, j'avais comme un petit peu du troisième pairing là-bas. Je jouais peut-être 13 minutes par game. Mais mes games, ça allait bien. Là. Je jouais super bien. Puis tout allait bien. Mais c'est sûr que c'est un joueur de mon style de jeu. Je pense qu'il faut bien trouver tout en glace. Justement parce que je me nourris de beaux jeux. Ouais. De plus en plus je fais de beaux jeux, puis de plus en plus que ma game ça va bien, je peux faire confiance. Fait que, ouais, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Là, il m'avait prévenu au début de l'année que j'avais pas vu tous les matchs. Ok, ok. C'est aussi le fait de l'échange. On ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être que l'échange, c'était fait depuis longtemps, mais c'est juste que ça ne sortait pas. C'est pas la première fois qu'on entendait parler, c'est depuis l'été qu'on entendait parler qu'il y avait des négociations avec trois équipes, dont l'Avalanche, également les Prédateurs et les Sénateurs. Est-ce que tu l'as vu venir, cet échange-là? Je te dirais que Moi, je n'avais pas vu l'échange venir, mais je pense que c'est quelque chose que j'avais une idée un petit peu, je savais que je pourrais être une bonne pièce d'échange pour Nashville, justement parce qu'ils cherchaient un attaquant de premier ou deuxième trio. Mm. Fait que, je ne dirais pas que je m'en attendais à ce moment-là, mais je dirais qu'il y a une chute dans ma tête que ça pouvait être. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais à Los Angeles, je suis en train de m'appeler, j'ai échangé. Ok. De commencer à jouer dans les canals et d'échanger, c'est quand même un choc là, pour moi. Tout ça. Mais oui! C'est ça qu'après une trentaine de minutes, là, j'ai réalisé que c'était pour le bien pour moi. Puis, c'est pas juste pour moi aussi, je pense, pour Nashville aussi. C'est Nashville, c'est une bonne organisation. Ils vont parler justement après le temps. Ils m'ont dit que c'est un choix difficile qu'ils ont eu à faire, c'est de laisser partir un défenseur de moi, tout ça. Mais que eux, c'est bien pour moi aussi d'aller en Colorado. Leur défensif est un petit peu moins bon que Ganache. Ben oui. Je pense qu'il manque de défenseurs gauchers aussi. C'est un bon pour moi, c'est bon pour tous les voleurs. Je suis vraiment content d'avoir moi dans l'organisation ici à la Ferd. Ben hier, yeah, t'as joué quoi? 20. Je l'ai parlé dans le bulletin de sport local le matin, un tout de 20 minutes, 3. T'étais sur l'avantage. J'ai écouté une partie du match, t'étais en avantage numérique régulièrement. Là, t'as beaucoup, beaucoup de glace depuis que t'es arrivé au Colorado, hein? Ouais, exactement. Hier, j'ai joué 24 minutes. Puis, ouais, j'ai tout en glace. Écoute, ils font plus confiance, hein? Jeune à 19 ans, ça paraît que c'est une équipe jeune qui veut développer leurs joueurs justement pour le futur. Même présentement, si on compétitionne, puis on est quand même bon, on est bon, on compétitionne contre les équipes. C'est même la game qu'on a à jouer, c'est à 5-2, mais on a manqué d'opportunisme en avantage numérique. Si on aurait closé les livres en première période avec tous les avantages numériques qu'on a eu, je pense qu'on aurait pu sortir avec la victoire. Mais, ouais, c'est c'est le fun d'avoir, puis c'est le fun de, pour moi de tomber d'un groupe jeune comme ça qu'on peut grandir ensemble pour justement le futur. OK. Comment c'est que ça a fait de retourner à Nashville? C'est sûr que t'as pas une grande histoire historique avec les Prédateurs, t'es allé à deux camps d'entraînement, mais ça faisait-tu bizarre? Ben, je te dirais que oui, tu sais, mon visiteur, là, c'est spécial quand même, mais je sais, pour automatiquement, quand rentre une place, là, je pense pas à grand chose. Fait que, ouais. Pour moi, c'était un match comme tous les autres, puis okay. J'ai apprécié le moment que j'étais à Nashville. OK. Hey, tu sais pas si t'as vu l'article du Denver Post hier, on te compare à Dunton Key. Est-ce que c'est Dunton Key, qui est quand même un défenseur étoile dans la Ligue nationale de hockey, fait plusieurs années, venait de... C'est toute une comparaison, ça? c'est le fun d'avoir. Tu sais, je pense que depuis que je suis arrivé justement ici, je pense que le monde ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Puis, tu sais, je pense que je suis arrivé ici, puis les deux matchs que j'ai joué en Suède, j'ai montré que j'étais capable de jouer dans les finales, puis que je méritais ma place justement ici. Puis, tu sais, jusqu'à là, je joue très bien. Je joue très bien offensivement, défensivement aussi. Puis, aussi un avantage numérique. Puis, en fin de compte, je fais des beaux, j'ai belles sorties de zone. Ben oui, on voit ça. Jusqu'à date, là, je pense que l'organisation sont bien contents de le rendement que je leur apporte aussi présentement. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils m'ont regardé pour le reste de la saison. Ouais. Est-ce que le joueur junior, un joueur de la Ligue nationale, est-ce que du côté de temps, là, du côté de la journée, là, est-ce que ça se ressemble beaucoup? C'est sûr que bon, il y a les voyages, t'es à quelque part entre Détroit et Colorado, c'est sûr que c'est pas comparable, là, les voyages d'autobus et tout ça. Mais si, admettons que t'es à Shawinigan puis à Denver, là, est-ce que l'horaire de la journée à part le match, la préparation d'un match, y a-t-il une grosse différence? Je te parle pas de la game, je te parle de la préparation d'un match. C'est-tu beaucoup plus exigeant? Ben, tu sais, dans la préparation d'un joueur de hockey, ça reste toujours pareil. T'sais, moi, ouais. La préparation, là, elle reste pareille comme elle qui était à chez mon c'est la manière que je me prépare, puis avant d'un match, c'est toujours la même. Mais je te dirais, aspect hockey, c'est sûr qu'un petit peu différent. La terrasse de l'international, c'est un peu plus salué, tu sais, pas, là. Tout ce qui est autour, en fond, c'est tout plus gros que dans le junior, puis c'est très normal. Bon, pas le junior, tout ça. Le junior, c'est le fun de jouer dans le junior aussi, tout ça, mais ça veut dire que tout est plus gros dans les finales. Là, t'es rendu au bout, dans le fond, t'es rendu dans la ligue la plus forte au monde. Fait que. Puis, c'est du côté glace, on le dit tout le temps, c'est pas un cliché, là, c'est moins une fraction de seconde et même plus, là, entre le junior et la Ligue nationale, là. Donc, ça, c'est une question que je te demande pas parce que ça fait longtemps que je l'ai entendu. Ben, Samuel, je te laisserai pas pour beaucoup de temps parce que je sais que t'es très occupé. On va se reparler quelque part dans l'hiver. Puis, félicitations encore. Je pense qu'il y a pas que les gens de Robertval, les gens du Lac-Saint-Jean, mais les gens de partout au Québec qui sont fiers d'un petit gars de Robertval qui a réussi. Yes, merci beaucoup. Voilà, Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado.